Attention, gros œuf. Dans une telle époque, les gens veulent planer très haut et tout de suite. Et ils vont planer avec ça. NEHR, au microphone, je laisse les NEHS. Eh, extrait de plaque tournante. Qui reprend le microphone, à ton avis? Celui qui donne l'envie au MC de stage dans le vide, c'est NEH Nervi. Le nouveau phénomène qui veut sortir de son trou et qui fait lui-même ce qu'il faut pour percer lui et son crew. Issu de ses bâtiments aux briques rouges, là où la merde est au rendez-vous comme sur scène quand le public bouge. Cette routine de banlieue armatrice, elle a fait de moi un sale vislard qui vise la réussite. L'influence de la test, noircit les textes. Ça la donne plus d'un tour dans le queue lorsque les haineux te testent. Quand le stress fait son apparition, demande au frelon si c'est pas grâce à la feuille qu'on trouve l'évasion. La voix des baffes, on venant pas. Fait les watts et les watts, chasser les poufs, on bouffait du bif et squatter les chartes. Sachant que j'ai perdu dans ma chambre tout ce temps à gratter des nuits entières sur page blanche, faut que je tente ma chance. Plaque tournante, tous les films de 92 sur un même CD. Les miens et mon département, territoire appartenant à Paname et ses environs. Haute-Seine, bienvenue dans la zone des trafiquants. 9-2, plaque tournante du rap, c'est franc. J'représente les miens et mon département, territoire appartenant à Paname et ses environs. Haute-Seine, bienvenue dans la zone des trafiquants. 9-2, plaque tournante du rap, c'est franc. Chaque écart où des familles se nourrissent grâce aux bises, où des mecs ont recours à la débrouillardise. Quand c'est de la chaîne, t'es hiver comme été, on va des tours à galérer, à chercher un plan pour passer la soirée. Peuplé trop tard. Nathan d'enfoiré qui se prétendent pour tes refrais, qui trahit ses balances pour te contrer. Où les vrais présents pour te rendre service, à te soutenir dans tes moments les plus tristes. Où les man bougent en équipe, sortent leur trip quand l'instance gâte, tape pour une histoire de zouzou de fric. Où les flics sont pas les bienvenus, ni les bien vus. Voilà un bref compte rendu de ma banlieue sud. Je représente les miens et mon département, territoire appartenant à Paname et ses